Le hussard sur le toit de Jean Giono. Quatorzième épisode. Angelo et Pauline sont en route pour le château de Théus, près de Gap. Ils ont passé la nuit dans une maison abandonnée sous l'orage. Mettez mon manteau et montez sur le mulet. Il faut vous ménager. Le chemin escalada des pentes assez raides et déboucha finalement à la lisière des bois sur un vaste plateau sombre que les nuages frôlaient de très près. Ils marchèrent plus de 3 heures avant de venir à bout de ce chemin pierreux qui circulait à travers les buis, les genévriers et toute une végétation crispée par une longue habitude du vent. Il peut y avoir des chutes de neige d'un moment à l'autre dans ces hauteurs. Dépêchons-nous de les traverser. Le chemin les entraîna le long d'une combe à travers de petits champs de pommes de terre à peine fleuries. Peu à peu, glissant d'un flanc à l'autre du ravin qui s'élargissait, il atteignit de nouveau le quartier des buis du maquis sauvage et le désert élevé sur lequel couraient les poussières de marbre de la pluie. Vous pourrez marcher, vous savez. Restez où vous êtes. Cette rose vous portera et même s'il faut, je la ferai courir. Ce sont les ruines d'un village. Nous serons à l'abri. Vous êtes tout mouillé. C'est vous qui allez attraper froid. Ils étaient là depuis un certain temps, déconcertés par la violence de l'orage, quand ils entendirent un bruit étrange. C'était celui que faisait l'averse sur un grand parapluie bleu. Il y a plus de 5 minutes que je vous fais des signes et que je vous appelle en toquant contre mes vitres. Vous avez l'air de 2 poules qui ont trouvé un couteau venu dans chez moi en face. Ouais, c'était pas le moment de faire l'andouille. Allez, amenez-vous. On s'occupera de votre mulet plus tard, allez. Entrez ici. Ah. Mademoiselle va regarder attentivement cette gravure qui représente Moscou. Comptez les dômes et les arches des ponts. C'est très instructif. Pendant que ce jeune homme va, s'il vous plaît, se foutre à poil devant le feu et se frotter sur toutes les coutures. Mais... Je déteste les pneumonies. Il y a 20 ans que je dis le velours fait des vêtements idiots, en tout cas ici. Dès que c'est mouillé, ça sent le chien et ça met un temps infini à sécher. Mais frottez fort. Oh, donnez-moi ça. Ah, très bien. Maintenant, enveloppez-vous dans cette couverture et asseyez-vous. Non pas près du feu, mais dans le feu. Je vais vous voir rôtir. Et buvez ça. C'est du rhum et il ne vient pas de l'épicier. Hein? Bah, allez-y d'un coup. Oh, les vêtements de cette jeune fille sont secs comme du sel. Alors, mademoiselle, vous avez compté? Combien y a-t-il de dômes et d'arches? 32. Oh, là, vous m'épatez, c'est exact. Elle les a vraiment comptés, 32. Le plus rigolo, c'est qu'il y en a 33. Ah. Regardez ce petit truc-là. Quand je m'ennuie, je le compte. On ne sait pas exactement si c'est un dôme ou une arche, du lard ou du cochon, mais ça fait 33. Et on est bien content de trouver du nouveau dans ces moments-là. J'adore cette odeur. Ah. Alors vous aimerez ma so-so, là. Et faites donc la jeune fille de la maison, cher ami, et mettez la table. Il y a des assiettes et tout ce qu'il faut dans ce coin. Mais oui. Là-bas. Là-bas, oui. Pour une fois que j'ai des hôtes, je veux me payer un de ces Balthazar des familles qui font époque dans la vie d'un homme. et à plus forte raison dans celle d'un célibataire endurci, solitaire et, avouons-le, vieillissant. Je vais chercher du vin. Et cependant, j'aimais beaucoup la polenta que vous faites si bien et avec tant d'amour. Ne désobligeons pas cet homme. Il est sûrement très serviable. C'est comique. Nous avons une épidémie de peur. Actuellement, si j'appelle choléra un brassard jaune, et si je le fais porter à 1000 personnes, les 1000 crèvent en 15 jours. Voyez-vous, mon jeune ami, je suis orfèvre. J'ai exercé la médecine pendant plus de 40 ans. Je sais fort bien que le choléra n'est pas tout à fait le produit de l'imagination pure. Mais s'il prend si facilement de l'extension, s'il a, comme nous disons, cette violence épidémique, c'est qu'avec la présence continue de la mort, il exaspère dans tout le monde le fameux égoïsme congénital. On meurt littéralement d'égoïsme. Notez ceci, je vous prie, qui est le résultat de nombreuses observations cliniques. Si nous étendons le terme à la rue et aux champs et à la soi-disant bonne santé qui y circule, quand il s'agit de peste ou de choléra, les bons ne meurent pas, je l'homme. Je vous entends, vous allez me dire, comme beaucoup, que vous avez vu mourir des bons. Je vous répondrai, c'est qu'ils n'étaient pas très bons. J'ai pourtant vu mourir aux Omergues un jeune médecin dont on ne pouvait nier qu'il était la générosité même. Une immunité relative donne toujours de la suffisance. C'est une faiblesse dont les dieux ont de tout temps profité. Et la fameuse mouche ne s'en fait pas faute. Cher monsieur, mort à qui se croit innocent. Voilà leur langage. Vous me citez le cas d'un médecin de campagne, ou de moi-même, ou du vulgum pecus. Tout ça meurt, bien entendu. Celui dont je vous parle m'a ébloui par son dévouement. Admettons. Alors, c'est qu'il était trop bon. Il faut une mesure en tout. Mais donnez-moi simplement quelqu'un qui s'oublie. Voilà le mot que je cherchais. Quelqu'un qui ne pense pas à lui-même et qui, par conséquent, ne cherche pas des moribonds dans des tas de cadavres pour se donner le plaisir de sauver, comme vous avez l'air de me dire que votre petit médecin le faisait. Donnez-moi quelqu'un qui oublie son foie, sa rate et son gésier. Celui-là ne meurt pas, enfin du choléra tout au moins. De vieillesse, sans doute, mais du choléra, non. Ah. Je crois qu'elle est à point. Vos vêtements sont secs. Merci. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce coin? Vous cachez? Au diable la pudeur, restez là près du feu. Vous êtes bien fait, qu'est-ce que vous risquez? Croyez-vous que mademoiselle a été créée et mise au monde per studiare la mathématica? Et la chaleur communicative des banquets, alors, qu'est-ce que vous en faites? Soyez grec, mon jeune ami. Regardez-moi ce visage et ces grands yeux. C'est la Grèce, ma mère, où le ciel est si doux. Ah. Buvez. À table. Vous êtes donc médecin? J'ai exercé à Lyon, Grenoble et même Paris. C'est l'origine de ma mélancolie. Mélancolie, mais pas misanthropie, comme vous voyez. Comment la soignez-vous? Avec les dômes de Moscou. C'est une méthode extrêmement active et une découverte extrêmement importante. Il n'y avait jusque-là aucun remède à la mélancolie. La médecine était désarmée. Et pourtant, quoique moins théâtrale, la mélancolie fait plus de victimes que le choléra. Mon petit truc des dômes de Moscou n'est pas mal, si on y fait bien attention. Je suis en train de le perfectionner. Mais savez-vous à quoi je me suis mis en attendant? À Victor Hugo. Un malheur au puissant qui s'enivre en défaite, riant de l'opprimé qui pleure et des prophètes, ainsi que Balthazar ignorant ses malheurs, il ne voit pas au mur de la salle bruyante les mots qu'une main flamboyante trace en lettres de feu parmi des nœuds de fleurs. Et contre le choléra, Avez-vous trouvé un remède? Ce type-là est phénoménal. Il tient absolument à ce qu'on s'intéresse à son épidémie. Je peux vous parler du choléra et de la peste ad libitum, mais croyez-moi, il vaut mieux regarder les fleurs de mai de cette charmante personne. Cette personne ne restera charmante que si elle ne meurt pas de choléra. Vous avez une façon particulière de voir les choses, jeune homme. Je n'en disconviens pas. Elle est toutefois discutable. Permettez à un vieux praticien de vous le faire remarquer. L'expérience me permet d'affirmer que nous sommes incapables de discerner dans l'enchaînement des faits ce qui produira le bon ou le mauvais. Seigneur, vous avez mis partout un noir mystère. Discernement parfait, tranché, élémentaire et jamais en défaut dès qu'il s'agit des sens. Or, les sens s'exercent dans l'immédiat. D'où mon humilité. Qu'avez-vous à faire d'une diplomatie de l'avenir où une mère truie ne trouverait pas ses cochons et de savoir si mademoiselle restera charmante puisqu'elle l'est? Bref, que désirez-vous de moi au juste? Vous êtes docteur, vous devez connaître des remèdes. Vous en avez peut-être quelques-uns dans une armoire. Nous sommes sur les routes avec les seules ressources de notre volonté de vivre. Et j'ai bien peur que ça ne soit pas suffisant par les temps actuels. Moi, si j'ai un mot à dire, c'est pour demander de devenir centenaire, comme tout le monde. Erreur. Erreur profonde. Mais reprenons nos esprits. Et de ce rhum, qui, je vous en fiche mon billet, vaut tous les remèdes du monde. Allez, buvez. Oui, l'alcool est excellent. Tout est excellent. Merci. Si je prends la peine de vous parler du choléra, vous serez étonné. Vous l'avez vu marcher dans le pays et ça vous a donné pas mal de choses à cacher. Vous y arriverez facilement parce que vous êtes jeune. Mais voir le choléra envahir un corps, voilà un spectacle qui prédispose à la franchise. Le choléra, monsieur, est une maladie des grands fonds. Il ne se transmet pas par contagion, mais par prosélytisme. Et il faut, avant d'aller plus loin, songer à une chose très importante. Voici un homme, ou une femme, ouvert de la tête aux pieds comme bœuf à l'étal, et voilà penché sur lui, avec tous ses appareils, l'homme de l'art. Ce dernier peut très bien connaître de quoi l'homme ou la femme est mort. Mais le sens profond du pourquoi, c'est une autre affaire. Une autre affaire qui, pour être tirée au clair, nécessiterait la connaissance du comment cet homme ou cette femme a vécu. Or, cet homme ou cette femme a aimé, haï, menti, souffert et joui de l'amour, de la haine et du mensonge des autres. Mais aucune trace à l'autopsie. Cet homme ou cette femme a aimé et je n'en sais rien. Il a haï, je n'en sais rien. Ni de quelle façon. Il a joui et souffert, poussière. Qui nous assure l'absence de rapports proches ou lointains entre cette bile verdâtre qui emplit les boyaux et l'amour? Qui me certifie que la haine, la jalousie n'ont aucune part dans ces taches pourprées et livides, ces charbons intérieurs que je découvre dans les follicules muqueux intestinaux? Qui soutiendra que la foudre bleuâtre, pleine de panses sauvages de la jouissance, s'est abattue des milliers de fois sur cet organisme sans laisser de traces? Ne sont-elles pas celles que je vois? Pourquoi ne parlez-vous pas du cœur? Le cœur, ouvrage de dame. Oh. C'est un lion que nous portons brodé sur la chemise. Dans mes décombres, rien de semblable. À l'endroit que vous m'indiquez, je trouve une pompe aspirante et refoulante qui fait son petit boulot et quand elle ne le fait plus, on s'en aperçoit. Bien sûr, en vous-même, vous pensez n'avoir rien de commun avec ces combinaisons. Vous caressez subrepticement le lion brodé sur votre chemise. C'est la fleur de votre sein, d'ailleurs, qui est dessous. Et la fleur des seins est, pour les deux sexes, très sensible. Eh bien, je ne veux pas vous le laisser ignorer plus longtemps. Le choléra n'est pas une maladie. C'est un sursaut d'orgueil. Tout éclate. Famille et patrie. Tristan pète littéralement dans sa peau et Juliette aussi. Et Antoine et Cléopâtre et tout le Saint-Frusquin. Chacun pour soi, je t'aime et tu m'aimes. C'est bien beau, mais qui me donnera les raisons de persister dans ces compromis, ces demi-mesures et ces petites morts, puisque des abîmes de mon foie émergent les meilleures raisons du monde pour devenir. Entrez, entrons dans ces 5 ou 6 pieds cubes de chair qui va devenir colérique. De chair en proie au prodrome de ce cancer de la raison pure. De chair fatiguée des détours que lui fait prendre la matière grise. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Personne ne peut nous le dire. Sans doute, après coup, une vague solitaire haute de 15 à 20 mètres et courant à la vitesse de 2 nœuds secondes a parcouru l'océan plat comme la main. Avant, après, Avril reste en fleurs sur les eaux. Ni grondement, ni écume. Il n'y a pas de brisant, ni d'amer dans ces vastes étendues qui ne s'étonnent de rien. C'est de l'eau qui se déplace dans de l'eau. Et pas de conscience pour s'en apercevoir. Jusque-là, tout est commencé et rien n'est changé. Adolphe, Marie ou François sont toujours à vos côtés et vous aiment ou vous détestent. C'est l'affaire de 3 secondes. Je voudrais vous donner une description, même approximativement, de la façon dont la conscience humaine se sent alors dépouillée de toutes ses joies. Le souvenir même en est effacé. C'est le moment où le visage du colérique reflète cette stupeur dite caractéristique. « Mon Dieu, Adolphe ou Marie ou François, qu'est-ce que tu as ? Il a qu'il crève, en parlant poliment, qu'il crève d'orgueil. Il se moque bien. » Désormais de la chair et de la chair de sa chair, il suit son idée. Quelquefois, une main s'accroche à un tablier, au revers d'un habit, ou d'un ami, ou d'une amie. Mais toutes les joies sédentaires foutent le camp. La peur donne des ailes et de l'esprit. Le jour noircit. La stupeur ne suffit plus. Il faut chanceler, s'abattre où qu'on soit, à table, dans la rue, dans l'amour, dans la haine, et s'occuper de choses beaucoup plus intimes, personnelles et passionnantes. Vous, jeune homme, je vous considère comme un spécimen à peu près parfait du chevalier le plus attentif et le plus charmant. Oui, vous avez réussi à m'intéresser, j'ose le dire, à me séduire, rien que dans les démêlés avec votre culotte, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Quant à mademoiselle, j'ai toujours été à la merci de petits visages comme le sien. Mais quel est le but formel de tout cela? Le péricarde empli d'une humeur sanguinolente, le tissu cellulaire parsemé d'un lacis varicueux plein d'un sang noir liquéfié, le bas-ventre météorisé, notez le mot, la bile noire, le poumon blanc, les bronches rousses et écumeuses en apprennent plus d'un seul coup à votre cervelle que 1000 ans de philosophie. Or, c'est précisément dans cet état-là que nous trouvons l'intérieur d'Adolphe, de Marie et de François, ou de vous-même, si le cœur vous en dit. Si tout était là, la vérité serait à la portée de toutes les bourses, à la merci d'un miracle. Mais on ne peut pas n'allumer que la moitié d'un soleil quand le feu est aux poudres. Il faut entrer dans certains détails. Avez-vous une quelconque notion, même élémentaire, sur la chair humaine? Non, mais ce n'est pas étonnant. La plupart des gens partagent votre ignorance. C'est d'autant plus étrange que tout le monde en fait une consommation continue sans même savoir ce que c'est. Qui n'a vu le monde changer, noircir ou fleurir parce qu'une main ne touche plus la vôtre ou que des lèvres vous caressent? Mais on en est où vous en êtes. On le fait de bonne foi. Sans parler de sa propre chair qu'on brûle à peine pelletée le long des jours pour un oui ou pour un non. Et c'est tellement peu de choses que ce n'est rien. Je n'ai qu'à me souvenir de l'air dépité que vous aviez tous les deux au milieu de l'orage pour être persuadé que vous êtes prêts à vous sacrifier l'un pour l'autre. Mais oui, voyons, mais ça sautait aux yeux et vous n'avez pas besoin de faire de l'ironie, surtout mademoiselle. Avouez que vous aviez peur pour lui. Oui, on n'avoue jamais ces choses-là, franchement, et c'est dommage. Il n'en reste pas moins que vous étiez prêt à vous sacrifier pour une certaine quantité de sels et d'eau, pour tout un travail de plombier, de tuyautage et de fil de sonnette. Mais si vous étiez colérique l'un et l'autre, vous cesseriez d'être quoi que ce soit l'un pour l'autre. Vous auriez trouvé mieux. Si notre tuyautage, fil de sonnette et autres babioles n'éprouvaient rien, ce serait cocagne. Il n'y aurait pas de curiosité, donc pas d'orgueil. Nous serions proprement éternels. Mais le colérique n'est pas un patient. C'est un impatient. Il est prodigieusement intéressé. Son seul but désormais est d'en connaître plus. Qu'est-ce qu'il éprouve ? Banal. Il a froid aux pieds. Il a les mains glacées. Il a froid dans ce qu'on appelle les extrémités. Son sang se retire. Son sang se précipite sur les lieux du spectacle. Il ne veut pas en perdre une bouchée. Oh ! En principe, il n'y a rien à faire. Des cataplasmes sur des jambes de bois, il y en a, vous pensez bien, des variétés affinées. Le calomel en est un. Le sirop de gomme aromatisé à la fleur d'oranger en est un autre. On a le choix entre les sangsues à l'anus et la saignée, à quoi il ne faut pas être grand clair pour penser en pareil cas. On passe des lavements au cachou, du ratagnan à l'extrait de quinquina, la menthe, la camomille, le tilleul, la mélisse. On applique les ventouses sur l'épigastre, des synapismes sur l'abdomen. On administre, et le mot est joli, de l'hydrochlorate de soude ou de l'acétate de plomb. Le meilleur remède serait d'être préféré. Mais, vous le voyez, on n'a rien à offrir en échange en remplacement de cette nouvelle passion. Buvez donc encore un peu de rhum. Je vous en prie. Buvez. Merci. Maintenant, vous avez voulu une description du choléra. Vous allez la voir. Et qu'on ne se bouge pas les oreilles, s'il vous plaît. Tout à l'heure, ce jeune homme semblait disposé à me manger tout cru si je n'obtempérais pas à ses désirs. Il m'a fourré sa belle sous le nez. Oui, il vous a fourré sous mon nez sous prétexte qu'il fallait vous sauver à tout prix. Pourquoi le faut-il ? C'est une question qu'il ne se pose même pas. Pourquoi faudrait-il que moi et le reste du monde soyons de son avis ? Et sauver quoi ? Je vous le répète. Ah, ben, asseyez-vous. Asseyez-vous et reprenez du rhum. C'est plus sage. Je suis un vieux monsieur, vous savez. J'ai jeté mon feu il y a longtemps. Et puis, est-ce moi qui ai fait le monde ? Asseyez-vous. Le colérique n'a plus de visage. Il a un faciès. Un faciès éminemment colérique. L'œil enfoncé dans l'orbite et comme atrophié, est entouré d'un cercle livide et à moitié couvert de la paupière supérieure. Il représente ou bien une grande agitation de l'âme ou une sorte d'anéantissement. La sclérotique qui se laisse voir est frappée d'ecchymose, la pupille qui s'est dilatée ne se contractera jamais plus. Ses yeux n'auront jamais plus de larmes. Les yeux restent écarquillés à regarder des halos, des lucioles géantes, des éclairs. Les joues sont décharnées, la bouche à moitié ouverte, les lèvres collées sur les dents. La respiration passant à travers les arcades dentaires rapprochées devient sonore. C'est un enfant qui imite une monstrueuse bouilloire. La langue est large, molle, un peu rouge, couverte d'un enduit jaunâtre. Le froid, qui a d'abord été sensible aux pieds, aux genoux et aux mains, tend à envahir tout le corps. Le nez, les pommettes, les oreilles sont glacées, la laine est froide, le pouls est lent, d'une faiblesse extrême. Or, dans cet état, le colérique répond avec lucidité, si on l'interroge. Sa voix est éraillée, mais il ne divague pas. Il voit clair. Et des deux côtés. S'il choisit, c'est en toute connaissance de cause. Mais il continue à entendre, à voir son entourage, le bruit de la rue, la casserole sur le feu, le claquement des linges, les gémissements, le rouge d'une robe, le noir d'une moustache, le bourdonnement des mouches. Si souffrance il y a, c'est ici qu'elle se place. Je dis si, car quelle preuve avons-nous de cette souffrance ? Les spasmes, les convulsions, les hoquets, les cris, les grincements de dents. Sommes-nous tellement assurés de connaître les vraies manifestations extérieures de la joie? Mais un éclair de souffrance, de vraie souffrance et abominable, j'y crois. Et s'il est possible, il est là. Oui, le colérique souffre. Mais ce n'est pas dans son orgueil, comme jusqu'ici. C'est enfin dans son amour. Et c'est ce qui pourrait le retenir de notre côté. Rien n'est comparable au supplice de ces cadavres vivants qui jugent de toute l'horreur de leur position. Le malade est dans une agitation extrême. Il cherche à se débarrasser de tout ce qui le couvre, se plaint d'une chaleur insupportable, a soif. Oubliant toute pudeur, il s'élance hors du lit où découvre avec rage ses parties sexuelles. Et cependant, sa peau est devenue froide, inondée d'une sueur glacée qui bientôt est visqueuse et donne à la main la pression désagréable du contact d'un animal sans froid. Le pouce est effacé de plus en plus, mais il est toujours très rapide. Les extrémités prennent une teinte bleuâtre. Le nez, les oreilles, les doigts se cyanosent. Des plaques de même nature apparaissent sur le corps. L'amaigrissement que nous avons constaté pour la face s'est étendu partout. La peau, dépourvue d'élasticité, se laisse plisser lorsqu'on la pince et garde l'empreinte qu'on lui donne. La voix est éteinte. Le malade ne parle plus que par soupir. La laine a une odeur nauséeuse qu'il est impossible de décrire, mais qu'on n'oublie plus quand on l'a sentie une fois. Le calme apparaît enfin. La mort n'est plus loin. J'en ai vu sortir de ce coma, se lever sur leur séant et pendant quelques secondes chercher l'air, porter leurs mains à la gorge et m'indiquer par une pantomime aussi douloureuse qu'expressive un sentiment atroce de strangulation. Les yeux sont convulsés, leur brillant a disparu. La cornée elle-même s'est épaissie. La bouche entrouverte laisse voir une langue épaisse couverte de charbon. La poitrine ne se soulève plus. Quelques soupirs. C'est fini. Il sait ce qu'il faut penser des marques extérieures de respect. Pourrais-je avoir encore un peu de rhum ? Le hussard sur le toit, de Jean Giono.